Terrasson en Dordogne, nue, déshydratée et mal nourrie. Eh bien, Serena a 4 ans maintenant et elle est devenue autiste. C'est une information RTL. Ses parents sont mis en examen pour violence sur mineurs, mais l'association Enfance en Danger réclame une requalification des faits pour qu'ils soient jugés aux assises. RTL, 9h09. RTL. Tour de France 2016. Allez, fini de buller, les coureurs reprennent la route aujourd'hui. Après une journée de repos bien méritée dans la principauté d'Andorre, le peloton va quitter les Pyrénées. 10e étape longue de 197 km jusqu'à Revel en Haute-Garonne. Le Britannique Chris Froome porte toujours le maillot jaune et derrière lui, 8 coureurs se tiennent en moins d'une minute. Autrement dit, Nicolas Georgerot, eh bien le tour n'est pas joué. Oui, il reste du suspense et c'est déjà beaucoup quand on se souvient que l'an passé, tout était joué après le premier massif montagneux. Le Ventoux après-demain, voilà peut-être une occasion pour Nairo Quintana. C'est une arrivée mythique dans le cyclisme. Les plus grands y ont gagné et j'aimerais m'y imposer. On va observer ce qui se passe, voir comment sont les autres rivaux, mais on ne fera pas n'importe quoi. On ne gaspillera pas des forces pour que ça leur profite. Le patron de l'équipe Sky, Dave Brailsford, étonné, caustique même devant la tactique prudente du Colombien jusqu'ici. Il veut rester sur nos roues, il veut gagner le Tour de France, pas rester sur nos roues et attendre le dernier moment pour essayer de gagner. Et s'il veut faire comme ça, bon, bah, c'est leur choix, quoi. Mais pour moi, c'est pas notre style, quoi. 3 arrivées au sommet, 2 contre la montre difficile également, un terrain de jeu prometteur, mais les jours sont comptés pour déstabiliser Froome et son équipe. Nicolas Georgerot, l'un des... Non, il n'est pas envoyé spécial, mais enfin si, on va dire quand même que oui, dans les Pyrénées, spécial, c'est quand même pas la porte à côté. Enfin bref, Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. On termine avec les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet qui a lieu cet après-midi à Pornichet. Le 8, Valet d'Ani, le 17, Amiral du Bisson, le 7, Vasco du Gite, le 5, King of the World, le 4, Bandit Online, le 9, Sim Jafet, le 12, Univers de Marzy et le 16, Ulior du Bézio. 8, 17, 7, 5, 4, 9, 12, 16. Et la dernière minute de Bernard Glace, c'est le 4 Bandit Online. Isabelle Choquet pour le journal cet été à 9h sur RTL. Et dans quelques secondes, un rendez-vous estival avec Laurent Deutsch. Nouveau rendez-vous au fil des rues. Petite promenade dans les rues de Paris. C'est tout de suite. RTL 9h11. Génial! On va à Vulcania! Prolongez votre séjour à Vulcania. Votre deuxième nuit à moins 50%. Vulcania en Auvergne? Partez en exploration. Conditions sur vulcania.com. Je refuse de faire cette radio. Vous voyez ce que vous me faites dire? Ford C-Max avec clim, jantes-allumes, Bluetooth, régulateur de vitesse pour 199€ par mois? Pour un Ford C-Max? Je suis peut-être un comédien, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Si, si, le monospace Ford C-Max Trend EcoBoost 125 chevaux et tous ses équipements est bien à 199€ par mois. LOA avec premier loyer de 3990€ puis 47 loyers de 199€ par mois, coût total si achat 21 362€. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 juillet, si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. On ne choisit pas sa famille, mais le diable, lui, a choisi son clan, les Morvans. De Paris, au cœur des ténèbres africaines de Lontano, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. Congo Requiem, le nouveau Granger, le plus court chemin vers l'enfer. Congo Requiem de Jean-Christophe Granger aux éditions Albin Michel. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen. Tel son emblème, le phénix, l'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une bière d'exception à la robe brillante et à la mousse onctueuse. Ses arômes aux notes de fruits mûrs et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen. Grimbergen blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Maxime, Maxime, Maxime, tu peux sortir de sous le lit, s'il te plaît? Allez, on doit y aller, mon chéri. Oh non, j'ai pas fini mon dessin animé. Plus de 3000 chambres familiales, 3 à 4 personnes, tout confort, partout en France. B&B Hôtel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et avec les B&B Break et Early B&B, profitez d'offres allant de moins 15 à moins 20% sur tous vos séjours des week-ends et vacances. Voir conditions sur hotelbb.com. Au fil des rues, avec Laurent Deutsch, sur RTL. Un air d'accordéon qui va vous annoncer pendant tout l'été votre nouveau rendez-vous avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Alors chaque jour, vous nous raconterez l'histoire d'une rue de Paris. Je rassure tous ceux qui ne connaissent pas la capitale, hein, vous allez vous rendre compte que ces rues, elles nous parlent en fait de l'histoire de France. On sait que c'est votre passion Laurent. Alors ce matin, pour commencer, vous nous parlez du boulevard Haussmann, l'homme qui a révolutionné Paris. Je vous emmène ce matin sur la rive droite. dans le 8e et dans le 9e arrondissement de Paris, dans l'Ouest, pour vous parler de ce boulevard qui nous plonge aussi au 19e siècle. Et pour moi, le 19e siècle de l'histoire de France, il est passionnant, c'est le plus turbulent de toute notre histoire. On va y croiser trois rois, deux empires, deux républiques, et le tout sur fond de révolution industrielle. Tout va être bouleversé. C'est une révolution des idées, des techniques, des transports. Et donc, pour la ville, tout va être repensé. Les rues, les immeubles, les égouts, l'eau et la lumière. Et un homme, à lui seul, va synthétiser toutes ces révolutions. C'est le baron Haussmann. Le baron Haussmann qui ne fera pas l'unanimité. Hein. Ah bah non, mais quand vous pensez qu'il a bouleversé 60% de la capitale, et par exemple le cœur même de Paris, l'île de la Cité, qui va être chamboulée à 80%, on peut comprendre qu'il va se faire des ennemis. Mais aujourd'hui encore, il a des détracteurs, mais quand on sait que Paris est une des villes les plus visitées au monde, si ce n'est la ville la plus visitée au monde, parce qu'on va pas froisser nos amis londoniens qui prétendent avoir la première place, il faut reconnaître que c'est en grande partie en raison de ce charme de l'esprit d'Haussmann qu'on voit partout dans Paris. Le secteur touristique lui doit beaucoup, mais alors ce qu'il faut souligner, c'est que le baron Haussmann, il a eu son boulevard à son nom de son vivant. Oui, c'est extrêmement rare. Il a eu quand même une vision qui, encore aujourd'hui, est profitable pour Paris. Et donc, on lui a rendu les honneurs de son vivant, lui accordant un boulevard à son nom. On lui a proposé le boulevard Saint-Michel, d'abord. L'actuel boulevard Saint-Michel. Oui, parce que c'est l'axe principal du Paris du 19e siècle. Vous savez, c'est sur la rive gauche, on a le boulevard Saint-Michel. Sur la rive droite, le boulevard Sébastopol, qui coupe Paris en deux. C'est vraiment la voie royale. Il va refuser et il va préférer le boulevard Haussmann. Et alors, pourquoi ? Ben non, pourquoi ? Par modestie ? Ben non, tout simplement parce qu'il est né sur le boulevard Haussmann. Enfin, avant qu'il y ait le boulevard Haussmann, il était exactement à l'angle du boulevard actuel avec la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et pour les nécessités de ses travaux dignes des Romains, il a fallu tout rechambouler, tout détruire, y compris la maison dans laquelle il était né. Il a sacrifié ses propres souvenirs aux enjeux et aux impératifs de l'avenir. Pas de passe-droit pour le baron Haussmann. Ça méritait bien une rue. Merci beaucoup, Laurent. Et merci à toi, Jérôme. Voilà, j'ai eu le plaisir de vous accompagner avec Caroline depuis 6h30 pour cette matinale estivale sur RTL. Ça va être comme ça pendant tout le mois de juillet. Et pendant tout l'été également, à 9h15, vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je voulais proposer la voix Caroline Diamant. Qui serait sans issue, bien sûr. Un boulevard de son c'est... vivant. Je ne sais pas comment elle doit le prendre, Jérôme. Oui, écoutez, c'est mon petit surnom, mais je ne savais pas que vous étiez au courant. Jérôme, on vous retrouve demain. Bien sûr, avec plaisir. À demain. Très bonne journée. À demain. Au revoir. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL, mardi, nous sommes le 12 juillet, ravis de vous accueillir comme chaque matin avec Caroline. Oh, quelle merveille! Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. C'est gentil ce petit beautiful. Bien sûr, j'ai des chansons sur les diamants pour tout l'été. C'est vrai, je pourrais faire Caroline. Ah, cette chanson, elle me faisait rêver. Et c'est vrai en plus, Diamonds are forever. En tout cas pour tout l'été. Les diamants sont éternels, Caroline Diamant est éternelle. Et nous allons vous accompagner, non pas de façon éternelle, mais en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août, pour cette grille d'été sur RTL, pour vous offrir des cadeaux. Et quels cadeaux ! Une nouvelle fois ce matin, vous allez pouvoir repartir avec de magnifiques séjours à Disneyland Paris. Tout à fait ! Des week-ends à Disneyland Paris, avec des belles attractions. Et puis... Oui, toujours très joli. Et puis vous pourrez aussi avoir 1000 euros cash. Et 1000 euros cash quand on est soit au travail, soit en vacances, c'est merveilleux. Il suffira d'enchaîner 10 bonnes réponses. Comment faites-vous pour jouer ? C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en appelant le standard RTL. C'est le 3210. Il y a les SMS. Vous envoyez RTL au 74 900. Et enfin, après un briefing qui a duré 24 heures, nous nous sommes mis d'accord sur le hashtag de cette émission. Ouais. Alors, pour les réseaux sociaux, le mot dièse, c'est RTL Quiz avec un seul Z. Tout à fait. Ça nous a pris à peu près autant de temps que de faire. On a failli faire un référendum comme c'est pour vrai. Brexit. Et puis on s'est dit non, quand même, nous on s'est dirigé. Voilà. Hashtag RTL Quiz. Ce qu'il faut, c'est avoir une minute le matin pour jouer avec nous. Et on peut vous appeler en direct si vous vous êtes inscrit. Ce que nous allons faire tout de suite avec le premier auditeur de la matinée. Est-ce que je peux mettre une musique d'attente comme quand on appelle la Sécu ? Voilà. C'est magnifique, Vivaldi, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Si le téléphone sonne chez vous, c'est peut-être RTL. Oui, allô. Allô, Mélanie. Oui, bonjour. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur RTL, c'est le grand quiz de l'été. Bonjour, Bruno. Bonjour, Caroline. Merci de m'avoir appelé. Eh bien, de rien, c'est un plaisir. Vous habitez où ? J'habite à Villeneuve-les-Maglones, à côté de Montpellier. Et que faites-vous dans la vie ? Je suis infirmière. Actuellement, je suis en congé maternité. J'attends mon deuxième enfant. Ah, garçon ou fille ? Fille, deuxième fille. Une infirmière. Voilà. Le fantasme de l'infirmière, comme dans Grey's Anatomy. Oui, même si, à l'arrivée, on voit plus souvent des infirmières en crocs qu'en talons aiguilles, comme dans la série américaine Eka Slentien. J'embrasse toutes les infirmières de France. C'est très gentil, c'est à peu près ça. Bon, Mélanie, oui. Vous avez une minute à nous accorder. Tout à fait. Nous allons vous poser des questions. Caroline va vous poser des questions, d'accord ? Oui. Il y a deux choses. La première, c'est déjà donner un maximum de bonnes réponses. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous allez gagner 1000 euros, d'accord ? Oui. Et si vous avez un maximum de bonnes réponses, à l'issue de cette première heure, vous pourrez gagner ce séjour à Disneyland Paris. C'est un séjour pour 4 personnes. Vous serez logé, bien sûr, et vous aurez accès aux deux parcs à volonté. Nous sommes d'accord, Mélanie ? Sans problème, on va essayer. Une minute pour vous, Caroline. À vous de jouer, c'est parti. Dans la cantine, qu'est-ce que le roi Dagobert met à l'envers ? Sa culotte. Comment se nomme le président Comment se nomme le présentateur de Koh-Lanta sur TF1? Je passe. Sur quel type de surface joue-t-on au tennis à Roland-Garros? Terre battue. Quelle noce fête-t-on après un an de mariage? Coton. Que collectionne Abbé Défil? Des bandes dessinées. Comment s'appelle le premier satellite lancé par l'homme en 1957? Coutnik. Combien de sports compose un patathlon? 5. Comment se nomme le cochon, ami de Winnie l'ourson? Porcinet. Quel chanteur a brûlé un billet de 500 francs en direct à la télévision? Qui a écrit Cyrano de Bergerac? Je passe. Quelle star a donné de top départ des 24 heures du Mans cette année? Passe. Comment appelle-t-on la partie transparente d'un casque de moto? La visière. Quel groupe de rock anglais a donné un concert géant à Cuba le 26 mars dernier? Je passe. Dans quelle ville trouve-t-on? Voilà. Vous pouvez la finir parce que vous lui avez pris deux petites secondes sur sur Koh-Lanta. Dans quelle ville trouve-t-on la place Saint-Marc? Venise. Voilà. On peut le prendre. Ouais, si on a un petit peu. C'est vrai parce que peut-être que j'ai un tout petit peu bafouillé. Oh, pour c'est avoir pas ça mais. Une femme enceinte. Le président de Koh-Lanta. Oui, ça m'a troublé du coup parce que c'est Denis Brognard. Et comme le dit souvent Denis dans ces cas-là, tourista général. Bon alors, voilà. Bonne matinée, bravo. Le présentateur de Koh-Lanta, il s'agit donc de Denis Brognard. Comment s'appelle le premier satellite lancé par l'homme en 1957? Il est parti de l'ex-URSS et il s'agissait du Spoutnik. Oui, ça je l'ai dit. C'est un pic. C'est un rock. Non, vous l'aviez pas dit, le Spoutnik. Spoutnik. Ah, on me fait signe que non. Ah bon, bon. Mais peut-être que vous l'avez pensé, en tout cas. Bon. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Non, ça. Voilà. Quelle star a donné le top départ des 24 heures du Mans cette année? Vous le saviez, Caroline? Je sais que vous êtes une passionnée de sport automobile. D'ailleurs, vous êtes une passionnée de sport tout court. Alors non, ne vous foutez pas de ma gueule à n'importe quel prix. Il y a des sports que j'aime bien. Il se trouve que l'année dernière, le docteur Mamour était au départ des 24 heures du Patrick Mans. Dempsey, ouais. Voilà. Cette année, c'était Brad Pitt. Mmh. Donc, de temps en temps, je regarde les départs parce qu'il y a des beaux mecs en combinaison moulante qui, en général, ont beaucoup d'argent. Voilà. Et enfin, quel groupe de rock anglais a donné un concert géant à Cuba le 26 mars dernier? Ah oui. Les Rolling Stones. Eh oui. Bon, ça nous fait combien de réponses, ça, Mélanie? Ça nous fait 10 bonnes réponses. Non, 10 bonnes réponses, c'est bien. Ah, quand même. 10 bonnes réponses, vous pouvez aisément prétendre au séjour à Disney, on verra ça tout à l'heure, dès 10h du matin pour le premier de la matinée. D'accord? Dans un premier temps, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous offrir une montre RTL. Ah ben, c'est très gentil, je vous remercie. Eh ben, de rien, on vous embrasse. Oui, moi aussi. À très bientôt et bonne journée. Merci, Mélanie. Au revoir, Mélanie. Merci. Vous voulez jouer avec nous? Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Vous pouvez appeler maintenant le 3210 3 2 1 0 pour jouer au grand quiz de l'été sur RTL. RTL.

C'est dur de dire ça en plein été, mais j'attends avec impatience l'automne pour la sortie du nouvel album de Julien Doré. C'est le premier extrait, ça s'appelait Le Lac, à l'instant, sur RTL. Si t'as envie d'un appart, va voir Citya. Citya est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ben ouais, chérie, sois plus tout seul devant ton ordi. Tata Citya est là et un vaste choix. Partout en France, toutes les 3 minutes, elle loue un appart, mon petit. Citya, envie d'un appart, va voir Citya, ils prendront soin de toi. Citya, envie d'être calé chez toi, en ne perdant pas de temps, va voir Citya. Valises, mais on part qu'un week-end. Bah une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. La fille de Brooklyn, le nouveau roman de Guillaume Musso, une critique enthousiaste. M6, le journal, c'est un livre que vous ne lâcherez pas. Gala, maîtrisé et efficace. Nice Matin. N'hésitez pas à lire La fille de Brooklyn, c'est excellent. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, un livre IXO, numéro 1 des ventes. Papa ! Maman demande si tu viens avec nous à la plage. Hein ? Allez papa, viens avec nous. C'est pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment. Découvrez Smectalia, suspension buvable en sachet prêt à l'emploi. Un médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans. En complément des mesures diététiques, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consultez votre médecin. À prendre à distance des autres médicaments. Smectalia. Ce n'est pas parce qu'elle nous nourrit qu'il faut lui laisser nos restes. Ce n'est pas parce qu'elle nous apporte de l'eau qu'il faut lui laisser nos bouteilles. Ce n'est pas parce qu'elle nous rappelle tant de bons moments qu'on doit lui en laisser une trace. La nature nous offre tellement. Offrons-lui plutôt notre aide en retour. Les 23, 24 et 25 septembre, Leclerc organise l'opération Nettoyons la nature. Pour y participer, inscrivez-vous vite avant le 15 août sur nettoyonslanature.com ou au 09 69 399 400. Numéro Cristal, appel non surtaxé. Leclerc. C'est le thriller ésotérique de l'année. L'Empire du Graal de Giacometti Ravenne, la plus troublante des enquêtes du commissaire franc-maçon Antoine Marcas. Du Vatican à la forêt de Brocéliande, l'Empire du Graal vous entraîne dans une aventure aux frontières de la raison. L'Empire du Graal, le nouveau Giacometti Ravenne, aux éditions Nates. Listel, ma fraîcheur. Listel, mon terroir. Listel, mes origines. Souple, tendre et équilibré, Listel se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. Listel gris, indication géographique protégée, sable de Camargue. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, le grand quiz de l'été. Vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à nous appeler, 3210 par téléphone, RTL au 74 900, on est ravis de vous avoir en ligne. Et d'ailleurs, on va tenter tout de suite d'avoir une candidate ou un candidat. Le téléphone va sonner, c'est peut-être chez vous. Restez près du téléphone, décrochez, il y a peut-être 1000 euros à la clé ou un week-end à Disneyland Paris. En tous les cas, ça vaut le coup. Croyez-moi. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sébastien. Exactement. Enchanté Sébastien, vous êtes sur RTL Caroline. Avec nous. Et mon camarade Bruno qui est à ma gauche. Bonjour Bruno. Que bonjour, je peux Sébastien. Même tripoter de temps en temps. Vous avez le bras long, parce que je suis quand même très très loin dans le studio. Oui, moi je ne serais pas là si je n'avais pas le bras long. Vous nous appelez d'où, Sébastien? Alors, de Giberville, près de Caen. Près de Caen, très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis agent des routes dans la fonction publique. D'accord. Et en ce moment, vous êtes... Oui. Et alors, ce sont des petits... C'est pas moi qui ai un sifflet autour du cou en permanence. Hein. Je vous assure. Je voudrais savoir si vous êtes en vacances ou si vous êtes encore au travail. Bientôt en vacances, demain. Demain? Ah oui, donc c'est très très bien. Oh là là, ce serait très très bien de gagner 1000 euros pour partir en vacances demain. Ah bah ce serait excellent. Ce serait sympathique. Et un séjour à Disneyland Paris, ce serait sympathique aussi. Ah bah encore mieux même. Pour cela Sébastien, il va falloir tenter de faire aussi bien que notre première candidate, au moins 10 bonnes réponses, d'accord? 10 bonnes réponses à la suite, et c'est 1000 euros, c'est la petite cerise sur le gâteau. Une minute pour répondre à mes questions. Si vous ne savez pas, je le répète depuis hier, mais passez. Parce que si ça se trouve, vous bloquez sur une question, mais celle d'après sera beaucoup plus facile. Et le but, c'est d'engranger un maximum de points. Sébastien, si vous êtes prêt, je le suis aussi. Oui. Eh ben, on y va. Quel célèbre couple chantait les gondoles à Venise ? Je passe. Quelle fleur offre-t-on généralement au 1er mai ? Du muguet. Où siègent les députés en France ? Au Sénat. Quel pays a remporté l'Eurovision cette année ? Je passe. Dans quel art s'est illustré Rudolf Nureyev ? Je passe. Quel animal peut être blanc, brun ou grizzly ? Un ours. Que transportent Jean Gabin et Bourvil dans leur valise pour traverser Paris ? Je passe. Quel acteur incarne Godefroy de Montmirail dans le film Les Visiteurs ? Christian Clavier. De quel dessin animé Pikachu est-il un personnage ? Je passe. Quelle est la monnaie de la Finlande ? Je passe. Le peintre Goya était de nationalité espagnole, c'est vrai ou faux ? Faux. Dans quelle saga cinématographique rencontre-t-on le personnage de Jack Sparrow ? Je passe. Comment se nomme le saint patron de l'Irlande ? Je passe. Ouais, c'est pas top. Hein. Et on va mettre ça sur le coup du stress, Sébastien. Ouais. C'est vrai que ça paraît facile quand on écoute à la radio. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'RTL qui disent « Mais ça, je l'avais ». Mais quand on est en direct, c'est pas si évident. Sébastien, avant de comptabiliser le nombre de vos bonnes réponses, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur celle où ça a un peu déraillé. Caroline. Très bien. Alors, laisse les gondoles à Venise. Tu as une très belle chemise. Ma grand-mère s'appelle Denise. Je connais les paroles par cœur. Alors, c'est un duo de chanteurs qui s'appelle Sheila et Ringo. Enfin, une chanteuse et un chanteur. Enfin, oui, peut-être deux chanteurs, on ne sait pas. Caroline, quand même. On embrasse Sheila et Stéphane. Mais oui, en plaisante. Où siègent les députés en France à l'Assemblée nationale ? Vous êtes au Sénat. Ouais, non, mais c'est après que bon. Alors, le pays qui a remporté l'Eurovision cette année, c'est l'Ukraine. Mais je comprends, vous n'avez retenu que notre charmante amie. Qui est arrivée sixième. L'Eurovision. C'était ça la chanson. Et la chanson s'appelait 1944. Rudolf Nureyev est un danseur classique de génie. Quel animal peut être blanc, brun ou grizzly ? Vous aviez raison. C'est un ours. En revanche, il y avait un petit, même un gros cochon dans la valise de Jean Gabin et de Bourvil. Ouais, réécoutons un extrait. J'adore scène culte du cinéma français. Mémoire, je crois que c'était au 45 rue Poliveau, mais peut-être que je me trompe, faut vérifier sur internet, mais je crois que c'était le 45. C'est Jean Reno, le Godefroy de Montmirail des Visiteurs. C'est Jacques. Que trépasse si je survis. La suite ? Eh ben la suite, c'est les Pokémon Pikachu et l'euro est la monnaie de la Finlande, bien sûr. Pour Goya, c'était vrai, il est de nationalité espagnole. Pirates des Caraïbes pour Jack Sparrow. Et enfin, Patrick est le saint patron de l'Irlande. Sébastien, vous avez deux bonnes réponses. Ouais, c'est pas top. Je pense que je peux rappeler dans l'été. Déjà, vous serez le bienvenu, sachez-le. Et puis surtout, vous ne partez pas les mains vides. On vous offre une magnifique montre RTL, d'accord ? C'est très gentil. On vous embrasse. Merci Sébastien. Bien. Belle journée Sébastien. Vous écoutez RTL. C'est le grand quiz de l'été. Le hashtag pour les réseaux sociaux, c'est RTL Quiz avec un seul Z. Je le répète, mais c'est important car ce matin, j'ai envie qu'on choisisse un candidat via Twitter ou Facebook. On va faire ça d'ici une dizaine de minutes. Pour faire plaisir à sa femme, Fabrice a une super idée. Il va enfin isoler ses combles en profitant de l'ouverture exceptionnelle de son bricomarché le 14 juillet. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Jeudi 14 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 10% de vos achats à partir de 50 euros et 15% à partir de 100 euros. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. Horaire d'ouverture dans les magasins participants. En direction de la capitale, vous êtes maintenant à l'arrêt et ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est pas le moment. C'est pas...

La bande à Bono, U2 sur RTL et New Year's Day. RTL, le grand quiz de l'été. Hashtag RTL Quiz et beaucoup de photos là qui arrivent. Je vous dis, ouais, vous prenez un petit selfie, vous êtes en train d'écouter RTL, où que vous soyez, vous prenez une photo. Il y en a qui sont au travail, on a des personnes qui sont en train de faire du jogging, en voiture également, soyez prudents. Oui, quand vous c'est êtes ça. Arrêté, c'est mieux. Parce qu'il y en avait pas mal en voiture, oui, et vrai. Ce serait bien de se garer sur le bas-côté, comme on dit. On va vous contacter en message privé pour vous demander votre numéro de téléphone et vous appeler en direct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler en direct quelqu'un qui s'est inscrit au 3210. Si c'est votre cas, le téléphone va peut-être sonner chez vous. Eh bien, si c'est le cas, il faut que vous répondiez. Pourquoi ? Parce que c'est RTL qui vous appelle et que si vous avez une minute... Oui, allô ? Allô, bonjour ? Oui, allô ? Oui, bonjour, quel est votre prénom ? Clément. Bonjour Clément. Clément, vous êtes en direct sur RTL. Je m'appelle Bruno, ah, soyez énorme. Bienvenue. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Clément. Alors, je suis trop content. Et ben, vous savez quoi, ça s'entend, c'est un plaisir partagé. Vous habitez où ? Vous faites quoi dans la vie ? Alors, j'habite à Revel et je suis concepteur vendeur de cuisine à Castres. Vous vendez les cuisines, vous les, voilà. vous les fabriquez, vous les designez, etc. Les cuisines, ouais, tout, je les vends. D'accord, très bien. Ça pourrait m'intéresser, je n'ai pas de cuisine dans mon appartement. Eh ben écoutez, je vais vous envoyer mon email, comme ça on partagera. Bien sûr, puis c'est pratique, plans. C'est vrai que Toulouse-Paris, c'est vraiment la porte à côté. Mais oui, mais on vend dans toute la France. Hein, bah écoutez, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Bon, Clément, vous avez une minute à nous accorder. Oui, mais je veux des questions faciles, sérieuses. Ah, alors okay, ça... ben, ah ben attendez, on va faire un petit choix et puis on vous rappelle. Oui, merci. Vous allez avoir une minute dans les mains expertes de Caroline Diamant, qui va vous poser des questions, maximum de bonnes réponses. Essayez d'en avoir au minimum 10, c'est le score pour l'instant établi par Mélanie, c'était en début d'émission. 10 ouais. bonnes réponses, ça vous permettra peut-être de prétendre au séjour à Disneyland Paris, c'est ce que vous pouvez gagner okay. dans un premier temps, d'accord, pour 4 personnes. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, je rajoute un chèque de 1000 euros. D'accord ? D'accord, ok, allez. On co-signe tous les deux. Bien sûr. Ce chèque. Ouais. Clément, si vous ne savez pas, vous passez. L'essentiel est d'avoir un maximum de bonnes réponses. D'accord ? Ça marche, ça marche. Clément, top chrono, c'est parti. Quel condiment est une spécialité de Guérande ? Le sel. Qui a réalisé le film Jurassic Park ? Steven Spielberg. Dans quel pays la France a-t-elle remporté l'Euro de football en 2000 ? Je sais pas, passé. En Suisse. Quel crooner américain était surnommé The Voice ? Je sais pas, passe. Quel animal a pour habitude de dormir la tête en bas ? La chauve-souris. Jean-Marc Ayrault est l'actuel ministre des Affaires étrangères, vrai ou faux ? Vrai. Que signifie l'expression avoir la dalle ? Avoir faim. Dans quelle mer se jette la Seine ? La mer Atlantique, l'océan Atlantique. Quel roi a fait construire le château de Versailles ? Louis XVI. Qui a réalisé le film Titanic ? James Cameron. Quelle ville française a développé la fabrication du savon ? Passe. Comment appelle-t-on l'artisan qui répare les toits ? Un charpentier. Dans Tintin, comment s'appelle le château du capitaine Haddock ? Je sais pas, passe. Voilà. Non, alors là, je peux vous dire, moi je suis prêt à tout accepter, mais alors le fan de BD que je suis ne laissera pas passer le château de Moulinsart. Oh non, je suis dégoûté. Bien sûr. Avec, bon, dites-moi. Avec Nestor qui s'occupe de la maison, qui gère la maison du capitaine Haddock. Je sais pas, Tintin. Tintin. Eh bien, voilà. Justement, c'est bien pour le suspense. Combien de bonnes réponses ? Tintin ? Oui, en fait. Oui. On va revenir d'abord sur les mauvaises. Alors, pour vous, l'Euro de football en 2000, c'est vrai qu'on se souvient de cette victoire face à l'Italie, du but en or de David Trezeguet, mais on oublie que c'était en Hollande et non pas en Suisse, comme vous me l'aviez proposé. Bon, j'ai quand même donné un pays d'Europe. Hein. Oui, c'est vrai. Bien. Quel crooner américain ? Ah oui, non, mais c'est pas à peu près les bonnes réponses qu'il faut donner. C'est les mais bonnes je réponses. Regarde pas le foot. Quel crooner américain était surnommé The Voice ? Ah, c'est l'autre, là. Ah, bah c'est Frank Sinatra. Oh. On ne dit pas l'autre pour Monsieur Frank Sinatra. The Absolute oui, Voice. Oui. C'était l'autre là. Dans quelle mer se jette la Seine? Vous m'avez dit la mer Atlantique, et qui depuis est venue un océan à la grande île, la mer Atlantique. Ouais, ouais. Mais j'ai dit. Oui, mais c'était oui, la Manche. Oui, mais c'est la Manche. Bah, oui. La mer, bah, c'est oui, la Manche. Oui, oh, mais moi, dis donc, vous avez un diplôme de mauvaise foi, non? Clément, celui qui a fait construire le château de Versailles, ce n'était pas Louis XVI, c'était Louis XIV. Et enfin, la fabrication du savon de Marseille, la ville qui a développé sa fabrication. Ah bah oui. C'est Marseille, le savon de Marseille. Évidemment, évidemment, non mais franchement. Bon. Et celui qui répare les toits est un couvreur. Oui, mais on l'a foutu. Non mais c'est pas possible. On m'a mis ok, couvreur, charpentier. Ah, vous êtes gentil, d'accord. Merci, ouais, c'est merci. La première semaine. Bon, Clément, 7 bonnes réponses. Oh non, j'ai quand même une montre. Mais bien sûr, vous oula avez une montre RTL. Ah, sauvé. Il est en pleine forme. Ah, oui, oui, oui, il est speed. Il est très sympathique. Mais, Caroline, je vous follow sur Twitter. C'est vrai, et je vous réponds de temps en temps. Non, jamais. Ah bah oui. Mon petit garçon, c'est facile, faut me dire que je suis la plus belle, la plus sympathique, la plus douée. Et là, il y a de grandes chances que je vous réponde merci. D'accord, à je note. Autant je te note. Dire qu'elle répond rarement. Clément, on vous embrasse. Ah bah, fais un coucou. Fais un coucou. Un coucou à qui? Fais un coucou à ma sœur, ses enfants Anaïs et Elliot, ma cousine, Margot, Romain, ses enfants, Mao Tse-tung et Eva Braun. Bref, tout le monde. Eh ben, d'accord. Mes collègues de travail. Oui, merci Clément. Vous avez une collègue qui s'appelle Eva Braun? Non, non. On vous embrasse. Okay, très bien. Clément. Allez, moi aussi. Bonne belle journée. Ciao, ciao. Bon, on va revenir dans quelques secondes. On a encore le temps de jouer, de faire un dernier quiz avant d'offrir le premier séjour à Disneyland Paris de la matinée. Ce sera tout à l'heure, juste avant 10h. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. RTL présente. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi. Renaud Phoenix Tour. Renaud en tournée dans toute la France. En concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris La Villette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renaud Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Midas a 40 ans. Justement, je dois changer mes pneus. Vous feriez bien un petit geste. Mieux. Un gros geste. Oh, ça m'intéresse. Du 11 au 23 juillet, chez Midas, le deuxième pneu continental est à moins 40%. Moins 40%? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Mais attention, les quantités sont limitées. Ah bah j'irai demain. À mieux. J'y vais tout de suite. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Dites adieu à la cellulite. Bye bye. L'huile sèche pure essentielle minceur aux 18 huiles essentielles 100% naturelles. Affine, tonifie, gomme les capitons. Effet anti-cellulite, 95%. Peau raffermie, 100%. À votre tour, pure essentielle minceur en pharmacie. Pure essentielle, l'efficacité à l'état pur. Découvrez le coffret pure essentielle minceur et sa ventouse anti-cellulite offerte. Blablacar, Blablacar. Bonjour, vous êtes Mathilde pour Nantes? Tout à fait. Sophie? Oui. Rentrez. Oh là, mais qu'est-ce que vous êtes fait au bras? Oh là, bah ça, c'est une longue histoire. Quelle aventure! Ouais, en plus, ce genre de truc, ça n'arrive qu'à moi. Bon, bah, bonne soirée. Oui, au revoir et soignez-vous bien. Ouais, merci. Un trajet plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoituré pour le 14 juillet. Proposez vos places libres, c'est plus d'économies et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Hashtag RTL Quiz. Beaucoup de photos là qui arrivent depuis une vingtaine de minutes. Ça fait plaisir de vous voir écouter RTL. L'endroit où vous êtes en train d'écouter RTL. On a lancé ça pour la deuxième heure de l'émission. On va choisir un message sur Twitter ou sur Facebook avec le hashtag RTL Quiz, la photo. On va vous appeler pour que vous puissiez jouer avec nous. Mais pour l'instant, et juste avant 10h, on a le temps de faire un dernier quiz, Caroline, pour tenter d'offrir là, ce séjour à Disneyland Paris. Tout à fait. Nous allons appeler vers Tourcoing, je crois. Donc si vous êtes vers Tourcoing, restez près du téléphone. C'est certainement chez vous que ça sonne. Vous allez voir. Il y a 1000 euros qui vont arriver. Allô, Laurie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Laurie. Vous êtes sur RTL. Vous allez jouer avec nous. Oui. Vous habitez où exactement? Tourcoing même? Oui, Tourcoing. Bon, vous êtes en vacances? Oui, oui, je suis étudiante, donc là, Alors, dites-nous ce que vous étudiez. Je suis en BTS ESF au lycée Sévigné. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est le moment d'essayer d'arrondir cet été avec 1000 euros cash, d'enchaîner plein de bonnes réponses que Bruno va vous poser immédiatement. N'hésitez pas à passer si vous avez un doute. Le tout, c'est d'accumuler un maximum de bonnes réponses. Et je vous signale que si vous en avez plus que 10, c'est vous qui partirez à Disneyland Paris. Ouais, Laurie, j'espère bien. Est-ce que vous êtes prête? Oui, allez-y. On y va. Quel est le 7e art? Cinéma. Quel alcool compose le cocktail appelé Bloody Mary? Le rhum. Comment appelle-t-on le petit du guépard? Passe. À quel président Valéry Giscard d'Estaing a-t-il succédé? Passe. Qui a écrit Hamlet? Shakespeare. Quelle est la femelle du bouc? La brebis. En football. Non, pas la brebis, la chèvre. En football, comment appelle-t-on l'angle supérieur des buts? Corner. Quelle émission satirique représentait François Mitterrand en grenouille? Je ne passe. Quel condiment vert accompagne traditionnellement les sushis? Excusez-moi, j'ai pas écouté la question. Quel condiment vert accompagne traditionnellement les sushis? Le wasabi. Comment appelle-t-on les soldats de l'ONU? Je passe. Avec quel agrume fabrique-t-on le Cointreau? Passe. Qui présentait le petit journal jusqu'au 23 juin dernier sur Canal+. Passe. Yann Barthès. C'est stress. Bon, Laurie, avec Caroline, on va déjà voir où ça a un peu bloqué. Laurie, ça a un peu bloqué, j'ai pas envie de dire partout, mais dans pas mal d'endroits. Dans pas mal d'endroits. Je vous taquine, hein, parce que... Non, mais je sais, mais je suis stressée après. Ah, mais c'est normal d'être stressée. Alors, je vais vous apprendre que nous mettons de la vodka dans le cocktail qu'on appelle le Bloody Mary. Ouais. Et que le petit du guépard, eh ben, c'est un guépardeau. Que Valéry Giscard d'Estaing ait la gentillesse de succéder à Georges Pompidou. Voilà, vous êtes bien rattrapé sur la chèvre, bravo. Vous avez dit la brebis d'abord, mais vous êtes rattrapé sur la chèvre. Alors le corner, non, c'est l'angle supérieur dans lequel on tire, ça s'appelle la lucarne. Si vous êtes complètement bilingue, vous dites pas corner, vous dites le corner. Bah excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on dit, on n'est pas le corner. On dit un corner, en règle générale. Oh, excusez-moi, je n'ai pas le langage du supporter de base. Bon, à la finalité, cela vous fait 4 bonnes réponses, Laurie. Ce sera suffisant pour gagner une montre RTL, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas assez pour le séjour à Disney. Non, mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Je vous embrasse. Nous vous embrassons. Bon courage, bonne journée, merci à vous. Mélanie a joué avec nous en début d'heure. Rebonjour Mélanie. Rebonjour. Bon, et vous avez joué en disant 10 bonnes réponses, si ça se trouve c'est pas assez. Ça a été assez, oui. Puisque vous gagnez ce séjour à Disneyland Paris. C'est génial, franchement c'est génial. Bravo, je suis très très contente, merci beaucoup. Et alors ma petite fille à côté, elle est aux anges. Je me doute. Alors c'est 2 jours, d'accord, vous serez en pension complète et vous allez avoir l'accès aux deux parcs, vous serez logé au Sequoia Lodge. D'accord. C'est super, je vous remercie beaucoup, vraiment c'est un super cadeau, c'est vraiment... C'est vous on qui est l'avez très, gagné. Très content. On grâce vous à votre embrasse. Efficacité. Bisous, merci Mélanie. Merci beaucoup, je vous embrasse. Infirmière. Bonne continuation, merci. Infirmière à Montpellier. Bon, vous continuez à appeler, 3210, là, on va vous retrouver au standard en direct dans quelques minutes, tout de suite. Vous ne savez jamais vraiment combien ça va vous coûter de changer vos plaquettes de frein? Eh bien, Marie, si. Ouais, moi je le sais. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Marie est chez Noroto. Et maîtriser son budget, c'est facile avec les forfaits plaquettes Noroto. 3 forfaits tout compris, montage inclus, à partir de seulement 59 euros. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es chez Lidl? Oui, et ils sont complètement givrés. Dès demain, pendant les jours XXL, les 6 bâtonnets glacés vanille chocolat amande plus 2 gratuits sont à 1,99€. 8 glaces à 1,99€ chez Lidl? Moins de 2€? Ah, ça jette un froid. Donnez des frissons patron. Moins de 25 centimes la glace. Ah, on est mal. On est très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 8 x 90 g, 2,76 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Multi-couche. Grand froid. Isolant mince. Protection thermique. Été-hiver. Prix fin. 3,80 € le mètre carré. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Isolant mince, 23 composants, garantie 10 ans, à seulement 3,80 € le mètre carré, soit 57 € le rouleau. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Caroline, bonjour Bruno, bonjour à tous. À l'avant-veille du 14 juillet, répétition générale du défilé ce matin sur les Champs-Élysées. Le 14 juillet, son allocution présidentielle. Mais aujourd'hui, c'est un autre discours qui retient l'attention, celui d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie tient ce soir à Paris le premier meeting de son mouvement En Marche. Il ne faut pas supprimer le bac, mais il mérite une simplification, selon Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale était l'invité de RTL ce matin. Elle estime qu'il y a trop d'épreuves, trop d'options et des élèves qui obtiennent plus de 20 de moyenne. Cette année, 88,5% des candidats ont décroché leur examen à la session de juin. Elle sera demain la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Theresa May va succéder à David Cameron. L'actuel ministre de l'Intérieur négociera donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Aux États-Unis, Barack Obama lui est attendu à Dallas pour rendre hommage aux 5 policiers tués par Mika Johnson la semaine dernière et après une semaine marquée par de fortes tensions raciales. La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin, plus 0,19%. Le CAC 40 s'établissait à 4272 points. RTL Tour de France 2016. L'étape du jour. Nicolas Georgerot. Et ça s'annonce musclé aujourd'hui. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour à tous, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. 10e étape aujourd'hui, 197 km entre Escaldes en Gordanie, en Andorre et Revel en Haute-Garonne avec un profil assez particulier. Oui, un départ d'étape musclé aujourd'hui avec le port d'Amvalira. Le port d'Amvalira, c'est 2408 mètres d'altitude et c'est 24 km d'ascension. Du kilomètre zéro jusqu'au 24e kilomètre, ça ne fait que monter. Donc un tremplin pour certains, peut-être, pour prendre une échappée, mais pas pour tous. Parce que beaucoup auront des difficultés après une journée de repos où les organismes ont perdu ce rythme de la compétition. Ça fait du bien de se reposer. On a vu beaucoup de coureurs fatigués, mais la mise en route est parfois laborieuse le lendemain lorsqu'il faut remettre le dossard sur le maillot. Ça va être un début d'étape très compliqué pour beaucoup de coureurs. Une échappée, aujourd'hui, a beaucoup de chances d'aller au bout. Et à Revel, la côte de Saint-Ferréol, en juge de paix, normalement, pour une victoire d'étape, c'est du classique, hein, l'arrivée à Revel. On attend un puncher, très certainement. En tout cas, un coureur qui aura su sortir des Pyrénées avec une certaine fraîcheur. Merci Laurent Jalabert. Départ de cette 10e étape, 12h30. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Le Tour de France est à vivre évidemment en fil rouge sur RTL. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. La météo, un temps plus frais aujourd'hui, des nuages et des pluies parfois orageuses des Pyrénées aux Alpes et au Jura. Temps instable entre la Normandie et la Belgique, les températures de 18 à 24 degrés cet après-midi en général, mais jusqu'à 27 dans le sud-est et 33 degrés en Corse. Les courses à Pornichet, Bernard Glass vous propose de jouer le 8, le 17, le 7, le 5, le 4, le 9, le 12 et le 16. 8, 17, 7, 5, 4, 9, 12 et 16, sa dernière minute, c'est le 4. Bandit Online. Il est 10h03, vous écoutez RTL et le grand quiz de l'été continue avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Céline, on vous retrouve tout à l'heure dès 11h sur à RTL. Tout à l'heure. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et surtout vous, au 3210, c'est votre émission tout l'été, 9h15, 11h, vous pouvez intervenir, vous pouvez jouer en appelant le 3210. Il y a le SMS, vous envoyez RTL au 74-900, vous n'avez pas le temps peut-être de jouer ce matin, c'est pas grave, vous envoyez votre SMS, on l'a et on peut vous appeler n'importe quand, peut-être demain, il faut juste nous accorder une petite minute pour vous poser une série de questions qui peuvent vous permettre de gagner des séjours à Disneyland Paris. C'était le cas de Mélanie il y a quelques minutes. Folle de joie avec sa petite fille qui faisait des bon à côté d'elle. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau, le chèque de 1000 euros. Comment on peut gagner 1000 euros? Alors, c'est simple. On enchaîne 10 bonnes réponses.

Laissez-moi tranquille. Ah, il zoome en plus. Le grand quiz de l'été, tout cet été sur RTL entre 9h15 et 11h. Vous pouvez jouer avec nous au 3210. Vous pouvez envoyer RTL au 74 900. Et alors, depuis tout à l'heure, je dois vous avouer que Caroline est plongée sur les réseaux sociaux en train de regarder. Bah, j'ai dit, voilà, vous envoyez un selfie. Où êtes-vous en train d'écouter RTL? Et contre toute attente, c'est en train de cartonner. On reçoit des dizaines et des dizaines de photos. Et donc, Caroline, vous êtes en train de choisir ou comment ça se passe? Ah bah écoutez, oui, c'est avec plaisir que je regarde. Alors, je vois. Alors, les selfies, donc, normalement, c'est une photo de soi. Oui. Alors, est-ce qu'on accepte dans les photos de soi les photos d'animaux? Bien sûr. Les photos de route, les photos de piscine? Moi, je suis pour. J'aime bien les photos de chiens. N'envoyez pas que ça. Alors, ça manque un tout petit peu de torse nu. Je parle pour les hommes. Et de femmes à forte poitrine, éventuellement. Caroline, mais nous sommes à l'antenne. C'est en direct ce que vous êtes en train de dire. Calmez-vous tout de suite. Je voulais préciser que ce ne seront pas nos critères de choix. Ah oui, je voilà. préfère. Il y aura un petit accompagnement à votre selfie. C'est cette phrase aussi qui fera la différence. Voilà. On va vous appeler là, on va vous demander votre numéro message privé pour vous appeler tout à l'heure. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'inscrit par SMS. Si vous avez envoyé RTL au 74 900, si le téléphone est en train de sonner chez vous, c'est peut-être vous là qui allez jouer en direct sur RTL. Oui, allô ? Mickaël ! Bonjour Bruno. Ben oui, vous êtes en direct sur RTL. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour Caroline. Mickaël, où habitez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Moi, j'habite Varin, près de Saumur. Ouais. Je suis vigneron. Ah, donc vous êtes dans l'Anjou, on est sur les vins d'Anjou, c'est ça ? Vins de Saumur. Il y a l'Anjou et le Saumur, mais c'est très proche, c'est vrai. Alors, Saumur, Champigny, etc., ça marche aussi. Exactement. Je ne voudrais pas commettre d'impair. Oui, excusez-moi, je ne bois que de l'eau, donc je ne suis pas d'une grande aide. Tout le monde peut changer. Bon, Mickaël, vous êtes, vous êtes en vacances, bien sûr que non, on est en vigneron, là, on est en pleine saison, on prépare. Ouais, c'est le pic d'activité. Moi, je suis un vigneron bio, donc en ce moment, on travaille les sols. Voilà. Et c'est important. Vigneron bio, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Qui cultive cet art du vin sans utiliser trop de pesticides et avec des méthodes anciennes pour ramasser les grappes notamment. Complètement, puis aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on ne sait pas, donc il faut essayer de réagir. Mickaël, la vendange par chez vous, c'est à quelle période de l'année? Début septembre? Non, c'est fin septembre, début octobre. Cette année, l'année est un peu en retard, je pense. Voir ça à peu près autour du 10 octobre. Je suis désolé, moi je m'intéresse au vin, Caroline. Ne me regardez pas comme ça. Alors c'est pas que vous vous intéressez au vin, c'est que visiblement vous en connaissez toute la fabrication, depuis l'extraction du raisin, j'écrase avec mes pieds, mais ça je prends le jus, je le transforme. Excusez-moi, non, voilà. On peut aimer boire un bon vin, mais je ne connais pas forcément toutes les étapes. Bon. Et j'ai beaucoup de respect pour les vignerons, bien entendu. Mickaël, vous allez avoir une minute entre les mains de Caroline Diamant, d'accord? Ok, quelle chance. C'est vrai. À chaque fois, vous me confiez un candidat et vous dites entre mes mains expertes. Oh. Je vous signale que je suis devant un micro et que c'est ma bouche. Enfin, en bref. N'en dites pas plus. J'en dis pas plus. Mickaël, une minute. Vous répondez un maximum de questions posées par Caroline, d'accord? Vous pouvez gagner un séjour à Disneyland, c'est pour 4 personnes. Vous pouvez gagner 1000 euros cash, ça c'est si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée, d'accord? Et puis quoi qu'il arrive, on vous laissera pas seul, il y aura une montre RTL à la clé, d'accord Mickaël? Très bien. Une minute top chrono, c'est parti. Quel animal est Garfield? Un chat. Complétez cette expression, ce qui ne tue pas nous rend... plus fort. Dans quel sport dispute-t-on la Fed Cup? La Fed Cup, c'est le tennis. Quel acteur incarne à la fois Jacouille et Jacquard dans Les Visiteurs? Je passe. Qui a écrit la pièce L'Avare? L'Avare Molière. Quel est le nom du calepied sur lequel s'appuie un sprinter? La pédale. De quel groupe de rock Jim Morrison était-il le leader? J'en sais rien. Quel est le sommet le plus haut d'Afrique? Kilimandjaro. Quelle est la forme de la table du roi Arthur? Table ronde. Dans quel pays vivaient les rois de France avant Versailles? Dans quel palais, pardon? Avant Versailles, Chambord. Dans quel pays peut-on voir le mont Rushmore? J'en sais rien. Quelle est la femelle du cochon? La truie. Quelle marionnette des guignols de l'info répétait souvent manger des pommes? Chirac. De quel réseau social Mark Zuckerberg est-il le créateur? Non, tant pis. Oh, c'est trop tard. Bon, et vous savez quoi, on aurait pu la compter parce que vous avez eu un petit temps sur le palais. C'était okay. Facebook peut-être, mais bon. Vous savez quoi, allez, on vous prend. Hey, allez. C'est la deuxième émission. Ouais, c'est l'été. C'est quoi, je regarde l'équipe qui prépare cette émission. Vous voulez quoi? Vous voulez les garder pour vous, les séjours à Disney? Regardez-moi bien. Moi, présent sur cette antenne, je donnerai tout aux auditeurs d'RTL. Et plus c'est tout. Bon, Mickaël. Allez, on va revenir ensemble sur vos différentes réponses, si vous le voulez bien. C'est okay. Moyen. Quel acteur incarne à la fois Jacouille et Jacquard dans Les Visiteurs? Mais il m'est pas revenu, lui. Bah oui. Ah oui, c'est pourtant. Il sera ravi s'il vous écoute. Christian Clavier, bien sûr. Oui, Clavier, bien sûr. Sorti en 1993. Quel est le nom du calepied sur lequel s'appuie un sprinter? Alors, vous avez répondu la pédale, et je peux le comprendre en cette période de Tour de France. Mais c'est. Un sprinter, bien sûr, c'est un coureur. Et c'est oui. Le starter. C'était les. Non, c'est le starting block. Ah, d'accord. Le starter, c'est le coureur automobile, peut-être. D'accord. Okay. Bon, alors là, j'ai envie de vous faire écouter une musique. Ouais, Jim Morrison était le leader des Doors. Les Doors, ouais. En plus, j'ai vu le film The Wall. Les Rois de France n'habitaient pas à Chambord. Ils étaient à Versailles. Ils étaient au Louvre avant d'être à Versailles. On parle de The Wall, le film des Doors. J'ai dit quoi? Non, c'est pas vous, c'est monsieur cher Michael. Je pense que vous faites allusion à Pink Floyd plutôt pour Pink The Wall. Pink Floyd, exactement. Voilà. Non, mais il y avait un biopic en revanche sur la vie de Jim Morrison, vous avez raison. Dans quel pays peut-on voir le mont Rushmore? C'est aux États-Unis. Elle est connue, cette image. Ah oui, bien sûr, avec les visages. Ben oui, oui. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Vous faisiez allusion tout à l'heure à Alfred Hitchcock. Exactement, une scène mythique. Je crois que c'est dans La Mort aux Trousses. La Mort. Oui, c'est dans La Mort aux Trousses, le merveilleux Cary Grant. Bon, ça nous fait quoi? Eh ben, Michael, ça nous fait... 9 bonnes réponses. 9 bonnes réponses, bah c'est pas mal. Mais c'est pas mal du tout, comment ça c'est moyen? C'est le record à battre. 9 bonnes réponses, c'est ce qu'il faudra tenter d'égaler, en tout cas jusqu'à 11h. Sinon, le voyage sera pour vous. On vous retrouvera tout à l'heure, mais je vous offre d'ores et déjà une montre RTL, Michael, d'accord? Eh bien, merci beaucoup. On vous embrasse. On vous embrasse. Et peut-être à tout à l'heure, au revoir. Et bien, quoi qu'il arrive, on vous retrouvera tout à l'heure. C'est le grand quiz de l'été, c'est RTL, à tout de suite. Sur RTL, retrouvez l'engagement de Total pour le covoiturage. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. J'aime bien le covoiturage, moi. C'est tellement économique. Du coup, je peux me permettre de voyager. Puis, c'est plein de rencontres. C'est drôlement convivial. Dites, ça vous ennuierait de la boucler? Mais pas du tout. De toute façon, j'avais fini. Non, votre ceinture. Ah oui, ma ceinture. Pour des trajets encore plus conviviaux et économiques, Total soutient le covoiturage et offre 20 euros en carte carburant aux conducteurs proposant et effectuant leur premier trajet avec blablacar.fr. Voir conditions sur total.fr et blablacar.fr. Énergisons la vie, chaque jour. Total. L'énergie, notre avenir, économisons-la. Titia, envie d'un appart, va voir Citia, ils prendront soin de toi. Citia, envie d'être calé chez toi, en ne perdant pas de temps, va voir Citia. Citia est l'agence de rencontres immobilières qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Citia, envie d'un appart, va voir Citia. Citia.com. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Le hashtag, c'est RTL Quiz. Ou alors, si vous préférez, Modiez. Quiz avec un seul Z. Vous prenez une photo de vous en train d'écouter RTL. On vous sélectionne, on vous contacte en message privé. Vous allez jouer avec nous en direct sur RTL. Après Imani, Don't Be So Shy. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. Race so much faster. myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. So shy, Imani sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Bon, alors, on a eu cette sélection. On va le faire de temps en temps le matin. Voilà, utiliser les réseaux sociaux, le hashtag RTL Quiz. Merci déjà d'être aussi nombreux à jouer le jeu, à nous envoyer vos photos. Là, vous êtes en train d'écouter RTL. J'avais dit, voilà, vous prenez une petite photo, un selfie, et vous envoyez ça avec le hashtag RTL Quiz. Mais c'est sympathique parce que où que vous soyez, vous l'avez fait. On a toutes sortes de photos, des piscines, des bords de route, des chiens, des visages, oui, des hommes, des femmes. Et beaucoup de gens qui travaillent. Et c'est vrai qu'on va être là aussi pour vous accompagner tout l'été pour vous qui n'avez pas la chance forcément de partir en vacances. On sera là au rendez-vous, qu'il pleuve, qu'il vente, j'allais dire qu'il neige, mais enfin normalement on espère pas quand même. Bon, vous avez choisi un selfie. Oui, on a choisi une charmante Daphné, voilà, qui nous a envoyé un très joli selfie. Alors je crois que c'est un montage, hein, parce que visiblement, je crois qu'elle utilise Snapchat ou... Ah oui, alors avant qu'on gaffe, on aimerait bien... Bon, on va lui demander. Daphné, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour Daphné, c'est un filtre, on est d'accord? Oui. Je veux dire, dans la, j'irai pas au travail comme ça. Oui, hein. Dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas un chapeau avec des cartouches sur le côté et un maquillage digne d'Orange Mécanique. C'est ça, non. D'accord, non. D'accord, vous n'avez pas les deux joues tatouées. Non, du tout. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça marche parce que c'est vous qu'on a sélectionné pour jouer avec nous. Et d'ailleurs, vous allez jouer avec notre cher Bruno. Ouais. Qui de sa voix magique va vous poser des tas de questions et vous pourrez gagner, mais comme les autres candidats, c'est-à-dire 1000 euros cash si vous enchaînez 10 bonnes réponses et un séjour à Disneyland Paris sinon. Est-ce que je peux vous demander d'où vous nous avez envoyé cette jolie photo? Le Mans. Le Mans, très bien. Oui. Une heure de Paris en TGV, très jolie ville. La ville de Stevie. Que nous saluons. Excusez-moi, mais Stevie parle tellement de sa ville que je suis obligé de lui faire un coucou. Eh bien, merci. Il a raison, c'est une très jolie ville. Merci pour cette précision. En tout cas, vous écoutez RTL avec Caroline Diamant. Si vous avez un trajet à faire sur le réseau ferroviaire français et que vous avez des petites incertitudes sur le temps de parcours, n'hésitez pas à nous appeler, ça marche aussi. Daphné, une minute, je vous pose des questions, maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Quelle animatrice présente On est fait pour s'entendre sur RTL? Je passe. Quel train relie Paris à Bruxelles? Le Thalys. Quel fruit a une variété appelée Williams? La poire. Comment appelle-t-on le marché des transferts des joueurs de foot? Le mercato. Quel véhicule peut être à vapeur ou à grande vitesse? Un train. Quelle est la capitale de l'Australie? Sydney. Comment s'appellent les cellules reproductrices de l'homme? Comment appelait-on les soldats français de la Première Guerre mondiale? Les poilus. Un sénateur français est élu pour 6 ans, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Comment nomme-t-on le cercle de lumière autour de la tête des saints? Une auréole. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de handball? 6. Dans quel pays la Renaissance est-elle née? La France. Quel chanteur français était surnommé l'homme à la tête de chou? Gainsbourg. Quel couple de scientifiques a découvert la radioactivité du radium? Je sais pas. Pierre et Marie Curie. Curie, mais bien sûr. Bon, On va voir dans quelques secondes si vous avez au moins 7 bonnes réponses. C'est ce qu'il vous faudra en tout cas pour faire aussi bien que notre candidate tout à l'heure. On va d'abord revenir sur les mauvaises réponses avec Caroline. Bah oui. Alors, c'est Flavie Flamand qui présente ton effet pour s'entendre. J'ai senti que vous l'aviez sur le bout de la langue et qu'il vous a échappé. Alors après, je vais sauter directement donc aux cellules reproductrices de l'homme. Personnellement, dans la rapidité, j'aurais dit les neurones, mais c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, c'est l'un ou l'autre qui marche. Et quand l'un marche, l'autre ne fonctionne plus. Ce sont les spermatozoïdes, ma chère. Ben oui. Voilà, la capitale de l'Australie, ça n'est pas Sydney, mais c'est Canberra. On répond ça toujours automatiquement. C'est un automatisme. Un réflexe pavlovien alors que c'est Canberra. Ouais. Oui, puis c'est loin, donc bon, voilà. Alors, un sénateur français, non, vous êtes trompé, c'est 6 ans. Et c'était donc vrai. On apprend tous les jours. Vous avez raison sur le nom de l'auréole qui entoure la tête des saints. Et croyez-moi, des saints, à part les deux miens, il n'y en a pas dans cette salle. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de football? Ah oui, alors c'est vrai, je me fais toujours engueuler. Ouais. C'est handball, football. Voilà. Et non pas football. Parce que foot, le pied, et hand, la main. Voilà, c'est différent. Merci. Oui, pas très bien. C'est 7. Donc, c'est 7 personnes. Et puis après, bien écoutez, la Renaissance n'est pas originaire de France, mais d'Italie. Mmh. On a un petit extrait de Gainsbourg quand même pour le plaisir ou pas? Tu es un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. Je fais Catherine Deneuve? Il n'y a pas d'image, donc. Ah, toujours un plaisir d'écouter le grand Serge sur RTL. Bon, alors, Daphné, 7 bonnes réponses. C'est votre score. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes avec égalité. Vous êtes à égalité avec le pro. Non, il avait... Non, Michael avait 9 bonnes réponses. Oh mince, mais je voulais, moi. Bah, Daphné, je l'ai trouvé tellement sympathique. Bon, elle a une montre quand même. Daphné, montre RTL pour vous. Ok, super. Je vous fais des bisous. Bisous. Merci beaucoup, Daphné. Au revoir. Merci, Daphné. Au revoir. Bon, on a encore le temps de jouer. Vous avez le temps de jouer, j'espère. Une minute, en tout cas, à nous accorder. 32-10. Les standardistes de RTL vous attendent. Ou RTL par SMS au 74-900. On rejoue dans quelques secondes. Été, quel est votre signe de retour sur RTL? Christine Haas et Laetitia Mallet. Avec Laetitia, nous vous attendons pour poser vos questions. Inscrivez-vous pour participer à l'émission en nous écrivant à astro2016@rtl.fr. Quel est votre signe? Sur RTL. Nous vous attendons tous les soirs de 20h à 22h. Je m'appelle Eric et j'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Vous vous rendez compte, avant, c'est comme si je portais tout le temps une grosse valise bien remplie. C'était pas une vie. Marcher, faire les courses, c'était épuisant. Avec Comme J'aime, je me suis débarrassé de ces 18 kilos et maintenant, je me sens bien. Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile. Ça marche, on perd ses kilos. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Bienvenue sur la première radio de France, c'est RTL 32-10. Pour vous inscrire, vous allez jouer avec nous au grand quiz de l'été dans quelques secondes, ou alors SMS, vous envoyez RTL au 74-900. Mais pour l'instant, et à la veille de l'arrivée du nouveau Premier ministre britannique, elle s'appelle Theresa May, c'est elle qui va prendre la place de James Cameron à partir de demain, qui est démissionnaire. Je pense plutôt qu'elle va prendre la place de David Cameron. J'ai dit quoi? J'ai dit James Cameron. Oui, bien sûr. Il a fait Titanic. Et alors, c'est comme ça que David Cameron a fini. Mais d'ailleurs. Alors, expliquez-moi, Armstrong, il est bien trompettiste, il gagne le Tour de France et il marche sur la Lune, on est d'accord? Absolument. Parce que moi, je ne retiens que les noms de famille. Vous alors, avez après, raison, ils sont magnifiques. S'il change de prénom. oui, David Cameron, merci de m'avoir repris. Bon, tout ça pour nous amener en Angleterre. Et en Angleterre, qui dit Angleterre dit... Dit Brexit. Et, il dit Beatles aussi. Ticket to ride. sure to do right by me before she gets to saying goodbye. Sure to think twice, sure to do right by me. Les termes de Caroline Diamant pendant la diffusion de ce titre des Beatles. C'est pas mal ça, ils ont un bel avenir devant eux. Ticket to Ride sur RTL. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Ah. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et RTL.fr pour nous écouter partout dans le monde entier d'ailleurs, si vous le voulez. D'ailleurs, on parlait des photos, ouais, si vous êtes à l'étranger, c'est rigolo si vous postiez des photos avec le hashtag RTL Quiz. Nous avons à vous offrir tous les matins des séjours à Disneyland Paris. C'est pour 4 personnes et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a également 1000 euros à vous offrir si vous enchaînez 10 bonnes réponses. Ne vous dites pas c'est impossible, puisque hier, pour la première émission, nous avons offert un chèque de 1000 euros. J'aimerais bien le faire maintenant. Ah, oh, ce serait génial. Et bah, moi, j'adorerais qu'on en offre un tous les jours. Eh bah, ben, on va essayer, puisqu'on va appeler là, tout de suite. Vous vous êtes inscrit, eh bien, nous allons peut-être faire sonner votre téléphone. Et si c'est le cas, vous allez peut-être gagner ce séjour à Disney et ces 1000 euros cash. Le record de l'heure pour l'instant, c'est combien de bonnes réponses? 9 bonnes réponses. Allô, Xavier? Oui, bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL, Caroline est à mes côtés. Bonjour Xavier. Charmante Caroline, bonjour. Oh, quel goût exquis. Xavier, je veux tout savoir sur vous. Vous habitez où, faites quoi dans la vie? Votre numéro de sécurité sociale, vous chaussez du combien? La dernière fois où vous avez mangé du navarin de mouton, c'était quand? Je veux tout savoir. Moi, je veux que votre rêve. Caroline. Vous avez quel âge, vous faites quoi dans la vie? Alors, 42 ans et je suis électricien en bâtiment. D'accord, très bien. Et vous êtes du côté de... Amiens, très bien. Xavier, fidèle auditeur d'RTL, j'ai envie de récompenser cette fidélité avec un séjour à Disneyland Paris. Vous avez le constat, on l'a dit tout à l'heure, 9 bonnes réponses pour cette heure. Là, c'est le record de bonnes réponses au questionnaire. Il va falloir tenter de faire aussi bien, voire mieux, pour gagner ce séjour à Disney pour 4 personnes. Et si vous enchaînez 10 bonnes réponses, vous pouvez gagner les 1000 euros. D'accord, Xavier? C'est parti. C'est Caroline qui va vous poser les questions. Je le répète, si vous ne savez pas, il vaut mieux que vous passiez, d'accord? D'accord. Il vaut mieux faire abstraction des 10 bonnes réponses à la suite et avoir un maximum de réponses pour avoir Disney, ok? Ça roule. Xavier, c'est parti. De quelle couleur sont les jonquilles? Jaune. Quel chien de dessin animé dit toujours d'un air triste qu'il est heureux? Passe. Comment sont les côtés d'un triangle équilatéral? Isocèle. Quelle religieuse a reçu le prix Nobel de la paix en 1979? Mère Teresa. Quel est l'ingrédient principal de la mouclade? Passe. Combien y a-t-il d'océans? 4. Qui a réalisé le film Le Cinquième Élément? Passe. Un cuniculophile collectionne les lapins et les lièvres. Vrai ou faux? Vrai. Dans quel jeu télévisé faut-il éviter les boules noires? Motus. La moussaka est une spécialité de quel pays? Grèce. En quelle matière sont les défenses d'éléphants? Ivoire. Qui a écrit Madame Bovary? Passe. Combien de minutes font 2h30? 120, 150. Dans quel pays les joueurs? Ah, c'est ça, va s'arrêter là. 150 minutes, c'est bon. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les questions de cette session ont été faites par quelqu'un à l'esprit un peu mal placé? Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, ou alors je vois le mal partout. Cuniculophile? Ben écoutez, oui, on verra ce que fait un cuniculophile, mais moi personnellement... Après la mouflin, c'était pas mal. Ben, bon. Je n'aurais pas pensé ni au lapin ni au lièvre. On va revenir sur vos différentes réponses avant de voir combien de bonnes réponses vous nous avez données. Si je vous dis, you know what, I'm happy, c'est Droupi qui ouais, est toujours ouais, mais ça revenait pas, donc je préfère passer. Quels sont les comment sont les côtés d'un triangle équilatéral? Équilatéral, même, on peut dire. C'est mon côté latiniste, excusez-moi. C'est égaux, vous m'avez dit isocèle. En fait, vous avez dit, on a eu l'impression qu'on était un contrôle de match. Je vais tout balancer, tout ce que c'est. Isocèle, allez, Pythagore, allez hop. Vous avez passé pour la mouclade. La moule. Bah bien sûr. Oui, alors ne criez pas ça comme ça, hors du contexte. Parce qu'après, si on reprend, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Combien je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Mais, hein, voilà. Mais moi qui suis de Charente-Maritime, la mouclade, bien sûr, c'est un plat à base de moule. Ça vient du mot Saint-Onger, d'ailleurs, moucle, qui signifie moule. Voilà, je vous le dis. Très bien. Combien y a-t-il d'océans? Vous m'avez dit 4. On va en rajouter un. Hein, ouais. Alors après, vous choisissez lequel? L'Indien, l'Atlantique, le Pacifique, l'Arctique ou l'Antarctique? Mais on en a 5. Vous avez passé réalisateur du 5e élément? Bruce Willis, Mila Jovovich, réalisateur français. Ouais. Luc Besson. Luc Besson, ouais. Eh oui, bien sûr. Vous avez également passé pour Madame Bovary. C'est ce bon vieux Gustave à qui l'on doit Madame Bovary. Oui. Gustave Flaubert. Et ça revient toujours après. Bon. C'est les boules noires du jeu télévisé. Vous saviez que c'était dans Motus. Ouais. C'est pour ça que je trouve ce questionnaire extrêmement tendancieux. J'ai cru que vous aviez les boules noires de Thierry Beccaro. Écoute, je ne le connais pas, ce point. Et ben moi, je le connais bien et je l'embrasse. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, oui. Xavier. Oui. 7 bonnes réponses. Dommage. Et bah dommage, vous avez la montre RTL, mais c'est vrai que ce sera insuffisant pour repartir avec le séjour. Ouais, c'est pas grave, j'ai le sourire de l'émission, ça me suffit. Et bah vous savez quoi, c'est notre plus gros cadeau. On vous souhaite une bonne journée, Xavier. On vous embrasse. Bonne journée à vous aussi. Plein de bisous. Vous restez sur RTL, le grand quiz de l'été, c'est pour vous, 3210, les standardistes d'RTL sont là, SMS 74900, vous mettez RTL et puis on va vous appeler là en direct sur RTL, sur la première radio de France, dans moins de 3 minutes. RTL. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Retrouvez-moi tout l'été dans RTL Petit Matin, dès 5h, pour un réveil 100% bonne humeur. Des infos, des fous rires, de la musique, l'horoscope et des cadeaux. D'ailleurs, envoyez-moi dès maintenant le mot matin au 64900 et c'est moi qui vous réveille avec le cadeau réveil tous les matins, juste avant 6h, sur RTL bien sûr. 65 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Listel, ma fraîcheur. Listel, mon terroir. Listel, mes origines. Souple, tendre et équilibré, Listel se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. Listel gris, indication géographique protégée, sable de Camargue. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je m'appelle Eric et j'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Vous vous rendez compte, avant, c'est comme si je portais tout le temps une grosse valise bien remplie. C'était pas une vie. Marcher, faire les courses, c'était épuisant. Avec Comme J'aime, je me suis débarrassé de ces 18 kilos et maintenant, je me sens bien. Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile. Ça marche, on perd ses kilos. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. 9 bonnes réponses, c'est le record à battre. Vous avez jusqu'à 11h, vous appelez le 3210 ou alors RTL au 74 900. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour. On se défie. Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Oui. Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache. Dire quel joli couple, mais je veux pas m'immiscer dans leur vie privée. En tout ah cas. Non, puis je serais jalouse en plus parce que j'adore Vianney, même s'il pourrait être mon fils, mais je le veux bien pour gendre, pour ma fille. Et j'adore Joyce Jonathan. Les deux à l'instant réunis sur le single Une place pour moi sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et on a de la place pour vous tous les matins sur RTL. Si tant est que vous vous inscriviez en appelant le 3210 ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Le score à battre pour gagner le séjour à Disney la de cette deuxième heure, c'est 9 bonnes réponses. 9 bonnes réponses. Et c'est faisable. Eh ben, on va le voir tout de suite. On appelle quelqu'un, Caroline ? Avec plaisir. On part. Je crois qu'on se dirige vers Angers. C'est peut-être vous qu'on appelle. Décrochez. Ayez confiance. Allô, Clémence. Oui. Oui, bonjour, c'est Caroline et Bruno bonjour. Sur RTL. Oui, bonjour. Bonjour, Clémence. Parfois, j'ai bonjour. L'impression que les auditeurs ont oublié qu'ils nous ont appelés. Vous vous souvenez ? Oui, exactement. Vous vous souvenez. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui donne le piment de ce jeu, c'est qu'ils appellent pour s'inscrire. Mais après, on peut les rappeler n'importe quand. Mais c'est vrai, parce qu'après, ils n'y croient pas. Mais bien sûr. Eh ben, c'est le vrai c'est Bruno qui est à côté de moi et hélas la vraie Caroline est à côté de lui. Il pleure depuis le début de l'émission. Non, c'est pas vrai, je suis très content de partager cette émission. Je vous ai vu avec un petit Kleenex au coin de l'œil. Ça n'a rien à voir avec, avec ça. Clémence. Oh mon Dieu. Clémence, est-ce que je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? J'ai 20 ans. Et à 20 ans en général, on n'est pas marié avec 4 enfants. On est plutôt étudiante, j'imagine. Oui, tout à fait. Et alors, vous êtes étudiante en quoi ? Je suis étudiante en communication. En communication, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez communiquer parfaitement avec Bruno Guillon, parce qu'il va vous poser des questions, vous allez lui donner des réponses le plus vite possible. N'hésitez pas à passer si jamais vous avez un doute. Le but, c'est de dépasser 9 réponses si vous voulez partir à Disneyland Paris. D'accord. Est-ce que vous êtes prête, Clémence ? C'est parti. Eh bien, c'est parti. De quelle couleur est la carte qui permet d'identifier un véhicule ? Grise. Quel est le prénom de la femme de David Beckham? Jovas. Lors d'un match, combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de football? 11. À quelle famille d'animaux appartiennent la grenouille et le crapaud? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? À quelle famille d'animaux appartiennent la grenouille et le crapaud? Je passe. Marrakech est la capitale du Maroc, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qui a écrit le livre Boule de Suif? Je passe. Dans le livre de la jungle, quel animal est Balou ? L'ours. En langage SMS, que signifie MDR ? Mort de rire. Quel est le prénom du docteur House ? Je passe. Quel astre est à l'origine des marées ? Je passe. Le signe TNT signifie télévision numérique ? Je passe. Quel monument célèbre se dresse place de l'Étoile à Paris ? L'Arc de Triomphe. Quelle actrice américaine tenait le rôle principal de Sister Act 1 et 2? Whoopi Goldberg. Oui. Bon. Bon. On va revenir sur vos différentes réponses, si vous le voulez bien, chère Clémence. Alors, je pense qu'il y a eu un petit peu de stress, si je ne m'abuse, Clémence, parce que je suis sûre que vous savez que c'est Victoria Beckham qui est la femme de David Beckham. Hein. Bien sûr, poche. Alors, poche vous spice. M'avez... Les Spice Girls, c'est pas un mot de travers sur les Spice Girls, je les adore, je les ai vus démarrer quand je travaillais chez Virgin Records à Paris. Très bien, et c'est qu'elles ont décidé de se reformer, mais elles ne sont plus que trois. Et justement, Victoria Beckham ne veut pas, et Jerry Halliwell, donc en fait les deux plus connus. C'est vrai, vous pensez qu'elle cherche... Et bien justement, je vous regarde, c'est pas innocent, il y a peut-être moyen de... Caroline, faut y penser. Oh, attendez, vous m'avez jamais vu faire le grand écart. Hein. Ouais, non, je n'ai pas eu cette chance. Faut apporter un treuil après, mais sinon, au début, c'est bien. Alors, vous êtes mignonne, vous avez dit qu'il y avait 11 joueurs de football, c'est vrai. Mais s'ils ne sont que 11, ils ne jouent pas contre une équipe adverse. Donc, ils sont plus souvent 22, voyez-vous. Ah oui. Je vous taquine un peu. Et alors, la famille à laquelle appartiennent la grenouille et le crapaud, ce sont les batraciens, ou les amphibiens. La capitale du Maroc, c'est Rabat. Et ce n'est pas Marrakech. Ah, c'est à Guy de Maupassant que nous devons Boule de Suif. Et enfin, le prénom du Dr House, et alors je suis comme vous, j'en ai hésité, c'est Grégory. Et c'est interprété par Hugh Laurie. Hugh Laurie qui avait été adorable le soir de la finale de France-Portugal au Stade de France, car il a envoyé un tweet sur les réseaux sociaux où il soutenait l'équipe de France de football. C'est vrai. Et en plus, je peux vous dire que c'est un très bon coup. Alors, quel astre est à l'origine des marées? Oui, on a le droit de dire un peu des conneries, c'est l'été quand même. Hein. Quel astre est à l'origine des marées? Eh bien, c'est la Lune. Enfin, le sigle TNT, télévision numérique, et le troisième T, c'est terrestre. Alors, c'est le deuxième T. Voilà. Vous avez 5 bonnes réponses. C'est pas suffisant, malheureusement, Clémence, mais c'est suffisant pour avoir une montre. On vous envoie une montre RTL, Clémence. Ah, c'est super. On vous embrasse fort. Merci beaucoup. Au revoir. Belle été sur RTL. Au revoir, Clémence. Merci. Bon, on va avoir le temps de jouer encore au 32-10, le temps de faire prendre une douche froide à Caroline, très énervée. Caroline, ce matin, je sais pas ce qui se passe, mais alors... Mais écoutez, c'est l'été. Il y a une tension dans ce studio. Il y a une tension sexuelle. C'est marrant, c'est dès que j'entre quelque part. C'est dingue. On va jouer en direct sur RTL. Vous voulez venir? Et tant mieux, 32-10, on vous attend là, ici, au standard. Chez Intermarché, les promos coulent à flot. Pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'un litre 5 d'eau minérale Vittel à 2,58€, le deuxième est gratuit. Oui, le deuxième est gratuit, mais c'est seulement jusqu'au 24 juillet. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 14 centimes le litre au lot au lieu de 29 centimes le litre. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vous donne rendez-vous sur France 2 pour une nouvelle saison inédite de Secrets d'Histoire, chaque mardi soir. Cette semaine, Stéphane Bern vous dévoile le fabuleux destin des femmes de la Révolution. Présente au premier rang de la plupart des journées cruciales, elle s'appelle Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges, Charlotte Corday, ou encore Mesdames Tallien, Roland ou de Staël. Alors, rendez-vous ce soir à 20h55 sur France 2 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Avec RTL. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort... à la saveur ensoleillée du citron... si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde... à la fraîcheur acidulée du citron... on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le grand quiz de l'été sur RTL. Merci d'être fidèle à RTL. C'est le grand quiz de l'été jusqu'à 11h du matin, heure à laquelle vous retrouverez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Alors, je ne sais pas si cette chanson a été choisie par rapport à l'état d'esprit de Caroline aujourd'hui. On se souvient du striptease de Kim Basinger dans le film. Et je crois qu'on va en ajouter un autre à la liste parce que... RTL.fr pour voir ça. Voici Joe Cocker tout de suite. C'est sur RTL. cœur. You can leave your head on. Bande originale du film 9 semaines et demie avec Kim Basinger et Mickey Rourke. Autant Kim Basinger a pas trop changé physiquement, autant Mickey Rourke. Autant Mickey Rourke a fait un peu plus de boxe et d'accord. Un peu plus de réparation derrière. 10h53, c'est RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. On a le temps de se faire un petit dernier quiz. Oh bah oui, on va donner une chance à quelqu'un de battre 9 bonnes réponses, de gagner le séjour à Disneyland Paris. Alors notre recordman de l'heure, c'est Michael, avec ses 9 bonnes réponses. J'imagine qu'il doit flipper un peu parce que... Bah on va voir ce que va donner le dernier candidat de la matinée. On appelle qui ? On va découvrir. On appelle au hasard, c'est le principe un peu. Hein. Vous inscrivez, mais oui. Et puis il faut avoir une minute quand on vous appelle. Thierry ! Oui ? Bonjour Thierry ! Bonjour Bruno ! Bienvenue sur RTL, je suis avec Caroline Diamant. Bonjour belle Caroline. Oh bonjour Thierry. Thierry, vous habitez où ? Vous faites quoi dans la vie ? Alors j'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et je suis gendarme. D'accord, alors gendarme sur le bord des routes ou gendarme sur le bord des plages ? Un peu des deux. D'accord. D'accord. Bon alors... Les gendarmes de Saint-Tropez, c'est le seul générique que j'ai sous la main. Mais s'il y avait eu les gendarmes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'aurais sorti le générique. Bien sûr. Beaucoup de travail, Thierry, j'imagine, avec l'arrivée des estivants. Là, ça y est, c'est parti. Là, depuis samedi, on est bien. Il y a du monde. Et alors, est-ce que vous avez la tenue réglementaire des gendarmes en bord de mer, c'est-à-dire avec le petit Bermuda très très chic que ne portent pas forcément les autres gendarmes dans d'autres régions un peu moins réchauffées par le climat ? Ça, oui, c'est autorisé. Très bien. Thierry, bon, maintenant qu'on a fait le tour des tuniques de gendarmes, de votre activité, je vais vous laisser dans les mains de Caroline, d'accord ? Vous avez une minute pour répondre à un maximum de questions. Si vous enchaînez 10 bonnes réponses, vous gagnez 1000 euros. Mais en tout cas, ce qu'il faut ce matin, c'est faire mieux que 9, c'est-à-dire mieux que Michael pour tenter de gagner le séjour à Disney. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Thierry, c'est parti. Quel animal sert à la fabrication du boudin noir ? Le cochon. Qu'est-ce qu'une veuve noire ? Une araignée. Dans quel sport peut-on tirer ou pointer ? La pétanque. Dans quelle région d'Autriche trouve-t-on des chanteurs de yodel ? La Bavière. Quel est le cri de la baleine ? Je passe. De quelle entreprise américaine Steve Jobs est-il le fondateur ? Apple. Quelle est la particularité de Bernardo, le fidèle serviteur de Zorro ? Combien y a-t-il de T dans le mot casquette ? 2. Quel pays appelle-t-on l'Empire du Milieu ? La Chine. Au bowling, combien y a-t-il de quilles à faire tomber ? 8. Qui a réalisé le film Taxi Driver ? Je passe. En boucherie, quel terme regroupe le cœur, le foie, la langue et les rognons ? Là-bas. Dans quel sport les champions peuvent-ils peser 200 kilos ? Sumo. Comment sont surnommées les danseuses du chanteur légendaire Claude François ? Claudette. Comment est l'horizon dans le dernier livre de Marc Lévy ? Bleu. Selon l'expression, quel insecte n'attrape-t-on pas avec du vinaigre ? Des mouches. Oui ! Quel suspense ! On a Mickaël, je crois, au téléphone, qui a eu 9 bonnes réponses tout à l'heure. Mickaël ? Oui, je suis là, mais je pense que c'est grillé. Ouais, je sais pas, on va voir. Moi, déjà, je vais revenir sur les mauvaises réponses, d'accord ? Vous avez passé, cher Thierry, sur la région d'Autriche où on trouve les chanteurs de Lyodol. Ou plutôt, non, vous avez pas passé, vous avez dit la Bavière. Mais c'est pas la Bavière. C'est l'Allemagne, c'est la Bavière. C'est le Tyrol. Ah oui. Vous savez faire du yodel, je crois, Caroline, vous me disiez en antenne. Alors, il faut vraiment une voix plutôt aiguë pour que le yodel soit assez agréable. Mais puisque vous me taquinez, je vais vous en faire un petit coup tout de suite. Vas-y. Yodola itou. C'est pas comme ça ? Yalala. Ein, zwei, drei, zufa. C'est la fête de la bière. Quel est le cri de la baleine ? Elle chante. Alors, je vais vous la faire aussi. Voilà. Ein, zwei, drei, zufa. Au bowling, combien y a-t-il de quilles à faire tomber ? Il y en a 8. C'est Martin Scorsese qui a réalisé Taxi Driver, d'accord. Et enfin, le dernier livre de Marc Lévy, c'est non pas l'horizon bleu, mais l'horizon à l'envers. Suspense ! Thierry ? Oui ? Avez-vous fait mieux que Michael ? Je ne sais pas. Vous avez 11 bonnes réponses. Oh, vous gagnez le séjour. Oh là là, c'est génial. Bravo Thierry ! Alors là, stop. C'est pour 4 personnes. Vous partez donc avec qui vous voulez, 2 jours sur place. Vous serez logé au magnifique hôtel Sequoia Lodge. Vous aurez l'accès à volonté aux 2 parcs pendant ces 2 jours tout frais payés. D'accord ? Génial. Thierry, on vous embrasse. Mickaël également, belle journée sur RTL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et jolie montre. Bon, eh bien nous allons revenir demain.